Bosco Douimane. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Le ministre de l'Intérieur suspend tous les congrès et réunions du parti CNL. Le président de cette formation politique y voit une façon de perturber ses activités en lui imposant des conditionnalités pour leur rassemblement. Vous entendrez le ministre Martin Niteretse et l'honorable Agathon Rwasa. La Banque mondiale promet d'accompagner la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Mais il y a un bémol, la passation des marchés publics constitue un frein à ses activités, regrette la représentante résidente de cette institution de Bretton Woods au Burundi. Une campagne de vaccination contre la poliomyélite commence le 10 juin prochain. Tous les concernés doivent mobiliser les parents des enfants de 0 à 7 ans pour qu'ils soient protégés contre l'infirmité due à cette maladie. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Le ministère de l'Intérieur, ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions, a pris la décision de suspendre tous les congrès et réunions du parti CNL. Dans une rencontre avec les gouverneurs des provinces ce mardi, le ministre de l'Intérieur a évoqué un climat malsain au sein de ce parti politique et invite le représentant du CNL à l'assainir. D'abord, suivez plutôt le ministre Martin Niteretse. Depuis une certaine période, s'observe un climat de méfiance, de mésentente entre les organes dirigeants du parti CNL. En réalité, la violation des statuts de ceux qui étaient censés s'en assurer au respect a entraîné cette situation de méfiance au sein de cette formation politique qui dégénère du jour au jour et qu'ils doivent eux-mêmes assainir sur base des statuts de ce parti du 16 janvier 2019. Ainsi, pour prévenir toute confrontation éventuelle entre les membres, toutes les activités organisées par les organes irrégulièrement mises en place à travers le Congrès, si vous critiquez, ont été suspendues à travers tout le pays depuis ce vendredi 2 juin 2023 jusqu'à la mise en œuvre effective de toutes les recommandations lui soumises. Toutefois, les réunions de dénouement, de tension pourront avoir lieu après avoir demandé et reçu l'autorisation de l'autorité compétente. Le ministère de l'Intérieur, devenant communauté de la sécurité publique, a été son ferme engagement à mettre fin à toutes formes de crise qui pourraient naître au sein des partis politiques et invite les responsables des partis politiques en général et le président du parti CNL et même représentant les gardes en particulier à privilégier l'intérêt des membres du parti à travers le respect des textes législatifs et réglementaires adoptés au sein de son parti. Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, le président du parti CNL, considère le contenu de la correspondance lui adressée le 2 juin 2023 par le ministère de l'Intérieur comme une manière de perturber les activités de cette formation politique. Il s'agit d'une réponse au parti CNL sur son recours gracieux contre la décision invalidant les récents congrès de ce parti, ce qui, aux yeux de l'honorable Agathon Rwasa, va à l'encontre des réponses du même ministre qui avait auparavant accepté la tenue des congrès de mars et avril. Écoutez plutôt les explications d'Agathon Rwasa, président du parti CNL, au micro d'Alain Désiré Boukayenet. Le congrès du 12 mars 2023 a été régulier. D'abord, ça rentrait dans le cadre des statuts du parti qu'on organise un congrès ordinaire tous les 3 ans. Le dernier en date avait été organisé le 16 février 2020. En plus de cela, que si le ministre dit qu'il a été saisi, comment est-ce qu'il peut prendre des décisions parce qu'il a été saisi sans au préalable consulter et discuter avec la représentation légale du parti? Mais si aujourd'hui on répond à votre recours gracieux, comme dans certaines provinces, on avance que c'est une manière d'éviter des troubles qui pourraient surgir entre militants de votre parti, parce qu'il y a deux groupes. Il n'y a pas deux groupes, il y a juste 10 personnes. Et je ne pense pas que les milliers de militants du CNL iraient faire face ou faire front avec ces gens. Parce que pour suspendre les activités d'un parti politique, il faut que ce parti soit responsable d'une infraction par rapport à la loi nationale. Quelle infraction le parti CNL a-t-il commise par rapport à la loi nationale pour que le ministre décide unilatéralement de suspendre les activités du parti. Je trouve que ce sont plutôt des manœuvres allant dans le sens, en fait, de favoriser son parti, parce qu'il est militant d'un parti politique. Il est militant, oui, mais il est aussi une autorité pouvant avoir cette habilité de suspendre les activités d'un parti s'il considère que l'ordre public l'exige. Quel ordre public ? Suspendre un parti politique, il faut qu'il y ait une infraction par rapport à la loi nationale. Or, le CNR n'a rien à voir avec ce genre de choses. Honorable Agathon Rwasa, président du parti CNL, rappelons que les autorités administratives avaient été appelées en janvier dernier à respecter les activités des partis politiques. C'était le contenu d'une correspondance du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Après les tournées de différents ministères dans tout le pays, la correspondance signée par le ministre Martin Itelete rappelait que la tenue des réunions n'impose pas une autorisation, mais plutôt une simple information aux autorités administratives. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le bureau de la Banque mondiale au Burundi accompagnera la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Déclaration de Hawa Sissé Wage, représentante résidente de cette banque au Burundi, dans un café de presse organisé ce mardi. Cependant, elle estime que la passation des marchés publics reste la principale contrainte qui handicape les activités menées par cette institution au Burundi. Jean de Dieu, Irakoti. Actuellement, la Banque mondiale appuie le gouvernement dans beaucoup de secteurs. Comme l'a déclaré Hawa Sissé Wage, représentante résidente du bureau de la Banque mondiale au Burundi, dans un café de presse de ce mardi, cette banque accompagne et accompagnera le plan national de développement et la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Actuellement, la Banque mondiale, bien sûr, appuie le gouvernement dans beaucoup de secteurs et nous accompagnons le gouvernement dans la mise en œuvre des programmes nationaux de développement, mais aussi dans cette nouvelle vision que le gouvernement a d'avoir un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Nous avons suivi des discussions de loin, mais nous avons pu aussi échanger avec le gouvernement sur certains thèmes. On a environ 1,3 milliard de dollars d'engagement dans le pays autour de 16 projets. Même si cette banque soutient ses programmes, ce cadre de cette institution déplore le faible niveau du Burundi quant à l'application des procédures de passation des marchés publics pour les projets qu'elle finance. Il y a beaucoup de contraintes et souvent c'est lié à la passation de marché. Vous savez, les financements de la Banque mondiale sont exécutés directement par le gouvernement à travers les unités de gestion des projets. Mais ce sont les procédures de la Banque mondiale qui sont appliquées et les procédures veulent assurer que les ressources sont bien utilisées afin qu'il n'y ait pas de corruption, que la bonne gouvernance. Donc ces procédures peuvent être vues comme compliquées parfois et ça prend du temps dépendant de comment on les applique. Donc il n'y a pas assez de capacité dans le pays pour leur application rapide. Ça c'est un fait qu'on a constaté. Donc on travaille avec le gouvernement pour améliorer ces capacités-là. Hawa Sissé Wage rappelle que tous les gouvernements bénéficiaires des financements de la Banque mondiale sont soumis aux mêmes procédures de passation du marché public. Hawa Sissé Wage, la représentante résidente de cette banque au Burundi, et dont les propos ont été recueillis par Jean de Dieu Irakoze, qui vient de nous faire ce reportage. Il a suivi pour nous ce café de presse organisé par la Banque mondiale, le bureau de la Banque mondiale au Burundi, ce mardi. Parlons toujours gouvernance économique. Les membres du gouvernement devraient présenter les projets à réaliser dans 3 ou 5 ans. Le président de l'organisation Parsem donne l'exemple du ministère des infrastructures qui devraient montrer des routes ou des bâtiments publics à construire. Selon Faustin Dikoumana, président de cette ONG locale, l'exécution des projets permettra d'atteindre la vision du gouvernement d'un Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Il l'a dit ce mardi lors d'une conférence de presse en indiquant que la redevabilité et la lutte contre la corruption sont des piliers du développement du pays. Burundi émergent 2040, Burundi développé 2060. Mais nous disons que cette politique ne peut pas être mise en application sans amélioration de la gouvernance budgétaire. La gouvernance budgétaire est le pilier dans la bonne gouvernance, partout. Maintenant, vous venez à la fin de l'exercice budgétaire 2022-2023 et au début de l'exercice budgétaire 2023-2024, par SEM interpelle à conseil de chacun, les acteurs, citoyens, un changement de comportement par rapport à la gouvernance budgétaire. C'est très important. Il y a d'abord la transparence dans la publication des documents pour faciliter la participation du public. Le projet de budget de l'exécutif actuel devrait avoir été publié à partir du mois de mars-avril. Ça devrait permettre une discussion profonde, une participation du public. Des projets d'investissement qui doivent être bien étudiés, bien priorisés, bien exécutés et bien évalués. Vous savez que nous avons un problème aujourd'hui de gestion des projets de développement. Chaque ministre devait venir donner son explication aux citoyens sur ces projets. Le ministre de l'Agriculture, comment par exemple disponibiliser à temps les fertilisants, les semences sélectionnées, comment est-ce que le ministère va contribuer à l'augmentation des recettes d'exportation à travers le café, le coton, des programmes précis mais avec des réalisations annuelles précises. Le ministre de l'Énergie, comment remplacer le vieux réseau électrique actuel qui provoque les coupures intempestives de l'électricité fréquemment, même d'adduction d'eau. Est-ce que va-t-on construire des stocks stratégiques carburant par exemple? Le ministre de l'Énergie et Mines, comment est-ce que son ministère va contribuer à l'augmentation des recettes de café, plutôt à recettes minières? Le ministre de l'Équipement, combien de routes vont, de kilomètres de routes qui seront construites? Quels sont les ponts, les aéroports? Il faut des détails. Et il faudrait que le gouvernement fasse beaucoup d'énergie pour que les recommandations qui seront issues de cette évaluation puissent être mises en application. Sinon, si nous laissons la gouvernance budgétaire d'à côté, vraiment, les résultats par rapport à la vision 2040-2060 seront très, très mitigés. Faustin Dikomana, président de l'organisation PARSEM. Santé à présent. Les enfants qui ratent une vaccination sont à l'origine du retour de certaines maladies contagieuses au Burundi, d'après le médecin responsable de la province sanitaire de Ngozi. Dr Jean Bosco Niyonzima s'exprimait ce mardi lors d'une journée de mobilisation sociale, appelant tous les enfants de 0 à 7 ans à répondre massivement à la campagne de lutte contre la poliomyélite qui débute ce samedi. Il appelle les administratifs à la base, les agents de santé communautaire et les autres à la vigilance pour qu'il n'y ait pas de saboteurs. Apollinaire Moussakara. Dans cette réunion, le médecin provincial a informé les administrateurs communaux, directeurs communaux de l'éducation et autres de l'existence d'une épidémie de poliomyélite depuis le 17 mars au Burundi. Selon Dr Jean Bosco Niyonzima, les personnes qui boycottent les campagnes de vaccination prévues sont les responsables du retour de ces épidémies qui menacent la population, d'où il demande aux administrateurs communaux d'essayer, responsables de confessions religieuses, aux 1077 agents de santé communautaire de cette province de s'investir pour que tous les 101 000 enfants de 0 à 7 concernés par cette campagne qui débute du 10 au 13 de ce mois soient tous vaccinés. Chacun recevra deux gouttes de vaccin par voie orale en vue de les protéger contre l'infirmite. Le médecin responsable de la province sanitaire d'Ongozi demande à cet effet la vigilance des administratifs à la base et agents de santé communautaire pour que même les groupes d'individus qui, poussés par leur appartenance religieuse, sabotent deux fois les vaccins, soit aussi touchés en camp de résistance. Ces mobilisateurs sont invités à dénoncer à temps de tels cas afin de prendre une décision urgente. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et en province de Mwaro, plus de 92 000 enfants sont attendus pour recevoir ce vaccin contre la poliomyélite lors de la campagne prévue du 10 au 13 juin prochain. À ceux qui demandent si la vaccination de routine n'est pas suffisante, le directeur de la province sanitaire de Mwaro, Ezekiel Nzuonsaba, a répondu que le vaccin qui sera administré aux enfants a plus de force dans la prévention contre cette maladie. Une réunion provinciale de mobilisation en faveur de cette activité a également eu lieu ce mardi. Les cultivateurs de coton en province Cibitoke affirment ne pas être suffisamment encadrés comme avant et déplorent le manque de produits phytosanitaires adaptés à cette culture. Ils demandent aussi aux autorités de majorer le prix de 800 francs qu'ils obtiennent actuellement par kilogramme de fibres. Suivez certains d'entre eux que notre correspondant Jackson Bahati a pu rencontrer. Gitegwa cy'ipamba kiragoye kabisa. Gitegwa cy'ipamba tugitera kuva mu kwezi kwa 12 gasarura nk'utugeze mu kwezi. La culture du coton est difficile. Elle est faite dès le mois de septembre jusqu'au mois de juin, mois de récolte. Nous allons vendre ce coton au mois d'août, mais nous serons payés que plus tard qu'au mois de septembre et même là à un prix dérisoire. Nous réclamons une augmentation du prix pratiqué d'au moins 200 francs. L'année passée, le coût du kilo de fibre coton valait 800 francs. Cette année-ci, on nous promet que le coût d'un kilo sera de 900, alors que nous espérions avoir au moins entre 1100 francs et 1200 francs. Il n'y en a pas donc de profit pour nous. Tubagara n'amasuka menshi cyane hari giye tura n'abakoze bikaturarana ntibigende neza baba bakeneye kudufasha neza kabisa koko. Cette culture exige beaucoup d'entretien car c'est une culture qui prend du temps pour être mûre et prête à la moisson. Notre doléance est d'autant plus fondée que le coton est une culture d'exportation et qui donc joue un rôle important dans l'économie du pays. C'est pour cette raison que nous réclamons d'être payés à temps pour que nous puissions vaquer à beaucoup d'autres activités quotidiennes. D'une manière générale, la culture du coton va bien, sauf que cette année-ci, la récolte n'a pas été bonne à cause du manque de produits phytosanitaires à Daouté et à cause aussi des conditions climatiques qui n'ont pas été bonnes du tout. Les choses ont changé ces derniers temps. Avant, dès la première tranche de vente de la récolte du coton, nous obtenions facilement des produits pour protéger nos plantations de coton. Dans ce cas, on faisait la monoculture et le sol était fertile. Nous insistons pour réclamer de ces produits afin d'avoir une production satisfaisante. Sinon, ce serait travailler à perte. Et selon le directeur général de la compagnie de gérance du coton Cogerco, les inondations sont parmi les causes qui ont fait que la production du coton ne soit pas bonne. La saison culturelle 2022-2023, Gustave Majambéré a, dans une conférence de presse ce lundi qui portait évaluation de l'état d'avancement de la redynamisation du coton, expliquait que cette compagnie compte mener des actions pour que la production cotonnière soit bonne pour la saison 2023-2024. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ne tournez pas le bouton. Les programmes de radio Isanganiro continuent. Jean Bosco, Douimana.